Section 25 de Mémoire d'outre-tombe, volume 4, par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehan. Quatrième partie, livre 10e, suite. Généalogie de ma famille. En écrivant les différentes parties de ces mémoires, je n'ai point dit le travail intérieur qu'ils m'ont coûté. Il était naturel qu'en m'occupant des hommes et des lieux, je voulusse connaître ce qu'étaient ces lieux et ces hommes. La passion de l'histoire m'a dominé toute ma vie. J'ai souvent entretenu des correspondances sur des faits qui n'intéressent personne. Je me plais, par exemple, à savoir comment s'appelle un champ que j'ai vu sur le bord d'un chemin, qui possédait jadis ce champ, comment il est parvenu au propriétaire actuel. Je m'attache de même à découvrir ce que sont devenus des cadets disparus vers telle ou telle époque. C'est ainsi qu'ayant à parler de ma famille, je me suis livré à mes investigations favorites sans autre intérêt que mon plaisir d'analyste, indifférent d'ailleurs à tous les autres intérêts qu'on peut attacher à un nom. J'ai pensé mourir d'aise quand j'ai découvert que j'avais des alliances avec un prêtre de paroisse nommé Courte Blanchardière de la Boucatelière Foiret qui demeurait dans un clocher. J'avais donc réuni sur ma famille ce que j'en avais pu apprendre. Mais mon texte bourré de ma science devenait long. L'ennui que j'aime à trouver au fond de l'histoire n'est pas du goût de chacun. C'est pourtant de la succession des terrains arides et féconds que se compose un pays. Arrêté par mille difficultés, je résolus à ne mentionner dans mes mémoires que ce qu'il fallait pour faire connaître les idées de mon père et l'influence qu'elles eurent sur ma première éducation. Une chose me décidait encore à la suppression de ces errements de famille. Je possédais le mémorial des titres envoyés à Malte en 1789 pour mon agrégation à l'ordre. Mais je n'avais pas le travail des chérins sur ces titres. Bien que ma présentation à Louis XVI fît preuve de ce travail, encore me manquait-il, et par conséquent, la base de l'édifice. Les deux chérins, Bernard et son fils Louis-Nicolas, étaient morts. Le dernier, ayant embrassé la Révolution, était devenu chef d'état-major de l'armée du Danube. On connaît la sévérité du père et du fils. Le premier se plaignait des généalogistes chambrelans, ouvriers qui travaillent en chambre, gens sans études, qui, pour de l'argent, bercent les particuliers d'idées chimériques de noblesse et de grandeur. Les archives des chérins avaient été dispersées quand le passé ne compta plus, mais peu à peu les cartons cachés ou dérobés furent rapportés à notre vaste dépôt littéraire. Ils y continuent aujourd'hui une série précieuse de manuscrits. Le carton dans lequel il est question de ma famille est du nombre de ceux qui n'ont pas été perdus. Monsieur Charles Normand, conservateur à la bibliothèque du roi, sachant que je faisais des recherches et pensant qu'une communication pouvait m'être utile, a bien voulu me faire part du dossier Chateaubriand. La pièce généalogique dont il m'a été permis de prendre copie est évidemment une minute composée d'abord par le premier chérin lorsqu'il fut chargé en 1782 d'examiner les titres de ma sœur Lucille pour son admission au chapitre de l'argentière. Puis cette minute a été continuée par le second chérin pour mon frère, et enfin la rédaction du mémorial des actes authentiques quand je fus admis dans l'ordre de Malte. Muni de ces documents, je ne puis plus reculer, car ils ne m'appartiennent pas. C'est la propriété de mes neveux aînés de ma famille. Je n'ai pas le droit, pour abonder dans mon opinion particulière, de les priver de ce qu'ils considèrent comme des épaves produits de leur naufrage. En plaçant ces arides reliques dans des casiers, je satisfais à ma piété envers mon père, soit que ses convictions étaient risibles ou raisonnables, chimériques ou fondées. J'ai fait les deux parts, les préjugés dans la note, mon indépendance dans le texte. Une fois mon parti pris, j'ai cru qu'il était juste de joindre au travail des généalogistes des ordres du roi les autres documents que je possédais. Ces documents ont repris leur valeur. Mes propres recherches viennent de nécessité grossir ma collection. Le nom que je porte, ayant traversé beaucoup de siècles, beaucoup d'aventures se trouvent attachées à ce nom. Je les mentionne toutes afin de dissimuler autant qu'il m'a été possible l'ennui du sujet. Je combats aussi les historiens quand le point en litige en vaut la peine. Je montre comment ils se sont trompés, ou par imagination ou par toute autre cause. J'ai reporté les notes A et B, tout à la fin et hors de mes mémoires, mais si ce m'était un devoir de produire la généalogie de ma famille, personne n'est obligé de la lire. Ce hors-d'œuvre peut être passé sans le moindre inconvénient. Note. Chateaubriand, ayant déjà donné au tome 1 des mémoires de la page 4 à la page 17, livre premier de la première partie, un résumé très complet de la généalogie de sa famille, on a cru inutile de reproduire ici les nombreuses pièces et documents qu'il avait réunis à ce sujet, et qui, dans les éditions précédentes, où il sera du reste facile au lecteur de les retrouver, n'occupent pas moins de 122 pages. Fin de la section 25.